Elle aurait pu mourir, elle a préféré souffrir de toutes les folies de ce monde, de toute sa maladie, elle tombe. Elle aurait pu partir, elle a préféré sourire à la mort qui la déchire, de son corps qu'elle fait souffrir. Qu'elle fait souffrir. Je t'aime. Cherches-tu pour toi? Tu sais, j'ai jamais cru en moi, mais le rêve qui me tient si fort devrait t'écarter de la mort. Que peux-tu voir en moi? Tu sais, j'ai tenu.